Bonjour mes frères et sœurs, et en commençant ce matin, nous allons prier si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous sommes dans la joie et dans la paix, sachant que tu veilles sur nous, tu veilles sur ton peuple, afin que ce peuple atteigne tes projets, atteigne tes plans, réalise tes ambitions, et que tu puisses être adoré et glorifié pour l'éternité. Donc, on te demande, Seigneur, que par ton Esprit Saint, tu puisses nous aider à comprendre le chapitre 4 que nous allons étudier ce matin. Amen. Jusqu'à date, nous avons vu à plusieurs reprises l'apôtre Pierre dire « Celui que vous avez fait mourir, Dieu l'a ressuscité. » Et encore dans le chapitre 4, ça va revenir. C'est venu au chapitre 2, c'est venu au chapitre 3, et maintenant on va le voir au chapitre 4. Je suis en train de vous dire là, que c'est pas mal le but du livre. Pourquoi répéter si souvent la même vérité? Parce que je crois que c'est très difficile à comprendre et à croire pour l'être humain qu'on peut mourir et ressusciter, parce que Jésus est le seul dans l'histoire de l'humanité qui s'est arrivé. Accepter ceux que lui a fait ressusciter des morts. Mais depuis 2000 ans, il n'y a pas grand monde qui est passé à travers la tombe et à revenir. Si c'est quelque chose qu'on verrait souvent, on n'aura pas de misère à croire. Et je crois que c'est une des raisons pourquoi il y a eu tant de résurrections du temps de Jésus, afin qu'on puisse croire. Jésus a dit, je vais ressusciter Lazare, afin que vous croyez que je suis la résurrection et la vie. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on voit que la résurrection doit être crue. Et je crois que c'est le but fondamental que Luc a écrit à Théophile, le livre des Actes des Apôtres. Mais ce matin, en arrivant au chapitre 4, il va y avoir une suite au chapitre 3. Pierre a fait un miracle, il a dit par quelle force il y a eu un miracle de fait au peuple. Qui a fait ce miracle? Ce n'est pas nous, c'est Jésus. Ensuite, il a appelé ce peuple-là à la repentance. Ce matin, la situation va se transporter devant les officiels, devant les chefs de ce peuple. On va se retrouver devant le Sanhédrin. Il va y avoir un peu de répétition de ce qu'il a dit hier, mais c'est devant un autre groupe. Donc, on va le voir ensemble, et si vous voulez bien, on va commencer par lire une partie du chapitre 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survint les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Mécontent de ce qu'il enseignait le peuple, il annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean. Ils leur demandèrent, « Par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? » Alors Pierre, « Rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bien accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il était guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus, Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes? car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux en nous, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à lui, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Il leur fit de nouvelles menaces et les relâcha, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Donc nous allons séparer, si vous voulez bien, ce texte en quelques parties. Premièrement, les 4 premiers versets. C'est la suite de ce qui s'est passé hier. Pendant que Pierre parlait au peuple encore, après la guérison de cet homme, les chefs, les sacrificateurs, le commandement du temple, les Sadducéens, mécontents qu'il enseignait et annonçait de Jésus la résurrection des morts, souvenez-vous que les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Donc, ils sont mécontents qu'ils enseignent la résurrection des morts en parlant de Jésus. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils les font arrêter et les emmènent en prison. Vu que c'est le soir, ils les laissent là passer la nuit. Mais, suite à cette journée, suite à la guérison, il y a eu 2000 hommes. Le nombre des hommes s'éleva à 5000. 3000, 2000. Hey, c'est tout qu'une œuvre merveilleuse, Seigneur. 3000, 2000. Ça, c'est les hommes. Est-ce qu'il y avait des femmes en plus? Peut-être que oui, peut-être que non. On ne sait pas à 100%, mais on pense que oui. Donc, ça, c'est la situation. On les arrête parce que, comme prémisse, ils ne croient pas à la résurrection. Les apôtres prêchent la résurrection des morts en démontrant que Jésus est ressuscité des morts par le miracle est la preuve, et là, ils le font venir. Le lendemain matin, on les emmène devant le Sanhédrin. Et là, on rassemble toute la grosse gomme d'Israël. On ramasse tous les hommes les plus importants, les grands théologiens, les grands hommes d'autorité. Et on les emmène devant, on se rassemble et on emmène Pierre et Jean devant eux. Et là, ils posent la question que tous les chrétiens voudraient se faire poser. Par quel pouvoir, et au nom de qui avez-vous fait cela? Tous les chrétiens voudraient se faire poser ça. Pourquoi tu es devenu chrétien? Quel pouvoir t'a changé, t'a transformé? Et ça nous fait plaisir de le dire, n'est-ce pas? Donc, il les place pour leur dire qui? Par quel pouvoir? Et là, au verset 8, Pierre, étant rempli du Saint-Esprit. Remarquez bien, ici le texte démontre que Pierre est rempli du Saint-Esprit. Tout ce que le texte est en train de dire, que Pierre va parler par la puissance du Saint-Esprit qui est en lui. L'Esprit qu'il a reçu en acte 2 va utiliser Pierre, va utiliser ce que Pierre sait, ce que Pierre a appris depuis sa jeunesse, depuis le temps qu'il a passé avec Jésus. L'Esprit va se servir de cela et il va s'adresser à ces hommes qui sont là. Et je vous encourage à penser, Luc est le seul à accepter une fois Paul dans Éphésiens. Il est le seul qui emploie cette expression rapide de l'esprit. Et toujours, c'est un verbe au temps passif. Étant rempli, c'est l'esprit qui les a remplis. L'esprit a rempli leur cœur à la conversion. Il n'y a pas de rempli, puis de pas rempli, puis de rempli, puis de pas rempli. C'est ma compréhension, puis je vais vous l'expliquer en s'en allant. C'est un acte souverain de Dieu de remplir les croyants. On remplit le croyant de la puissance du Saint-Esprit et il est rempli pour toujours. Ne mélangez pas ces textes avec éteindre l'esprit ou attrister le Saint-Esprit. Ce n'est pas la même chose. C'est un autre contexte. Vous devez comprendre qu'est-ce que Luc, lui, dans les évangiles et dans les actes, qu'est-ce qu'il veut dire, lui, en disant « étant rempli de l'Esprit Saint, étant plein d'Esprit Saint ». Lui qu'on doit savoir, pas plus loin dans les actes, quand on parle aux chrétiens. Ici, on s'adresse à Théophile. Et Luc veut que Théophile croit que c'est l'Esprit Saint qui va dire ce qu'il va se dire là. Ça vient pas des hommes, ça vient de l'Esprit Saint. Et l'homme n'a pas le pouvoir de s'emplir puis de se désemplir. L'homme n'a pas le contrôle sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours là, avec une pleine puissance. Vous recevrez une puissance d'en haut. Et on a reçu la puissance. Cette puissance-là, elle est infinie, elle est divine, elle est en nous pour toujours. C'est pour ça que Jésus a dit, le Saint-Esprit va habiter en vous éternellement. Il a toujours la même puissance, et tous les chrétiens ont la même puissance. Bon, assez. On va y revenir. Chaque fois qu'on va voir le mot rempli du Saint-Esprit, je vais en répéter, puis je vais en rajouter. Donc, qu'est-ce que Pierre dit, rempli par l'Esprit Saint? On pourrait dire, qu'est-ce que l'Esprit Saint dit en utilisant la bouche de Pierre? Il dit, puisque vous nous interrogez sur qui a fait ce miracle, sachez-le tous, versets 10 et 11, c'est Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. C'est Jésus qui l'a ressuscité. C'est l'Esprit Saint qui dit ça. Vous l'avez fait crucifier, Dieu l'a ressuscité. Si la preuve qu'il a ressuscité, c'est que cet homme se tient debout devant vous et il est guéri totalement en pleine santé. Pas de physio, pas de taponneur, pas de marchette, pas de béquille, pas de... Oh là là là, non, non, il était guéri, parfaite santé. Instantanément. Les miracles dans la Bible, c'est toujours instantané. Il dit, la pierre que vous avez rejetée, elle est devenue la principale de l'angle. Celle que vous avez rejetée comme étant pas une bonne pierre pour mettre le fondement. Dieu, en la ressuscitant, a fait de cette pierre la pierre d'angle, la pierre principale, la pierre sur laquelle tout le peuple de Dieu va s'enligner. Nous, on est des petites pierres qui s'enlignent sur la grosse pierre. Il dit, c'est pour ça, au verset 12, qu'il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui a été donné par lequel nous devions être sauvés. Donc, c'est ce que l'Esprit a dit. La preuve qu'il était celui que Dieu avait envoyé, c'est que Dieu l'a ressuscité, et la preuve qu'il est ressuscité, c'est cet homme qui se tient devant vous parce qu'il a été guéri en son nom. On n'a aucun pouvoir, nous. Ça, remarquez bien que même les inconvertis savent très bien que Pierre et Jean n'ont pas ce pouvoir-là. Par quel pouvoir vous faites cela? Ils savent que l'homme n'est pas capable. Donc, Pierre donne la gloire à Jésus-Christ. Simple. Simple fait de là. Fait historique. Que Luc a probablement vérifié si c'était vrai que cet homme-là avait été guéri. Et les gens le connaissaient. Et lui qui a été prendre des informations auprès des témoins oculaires, je me demande s'il n'est pas allé voir cet homme-là pour voir si vraiment il était guéri et qu'il avait été emmené à la pleine santé. Peut-être que oui. Et remarquez bien ce qu'il dit ensuite, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Parce qu'ils savaient que ces hommes étaient des gens du peuple sans instruction. Hey, c'est un pécheur! C'est des gens ordinaires. Comment ça qu'ils ont tant d'assurance? On a la réponse, hein? Plein d'Esprit Saint. Plein d'Esprit Saint. La seule raison. On parle avec conviction. On parle avec expérience. Les autres, ils l'avaient vu, Jésus. Ils l'ont vu ressusciter. Mais ce qui leur donne cette pleine assurance, c'est le Saint-Esprit qui est en eux. On va le voir à la fin de ce chapitre, Encore cette expression-là, qu'ils vont parler avec assurance, étant remplis du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent dire au verset 14? Le gars était là aux côtés, puis tout le monde connaissait, il savait que le gars était un paralytique. Il voyait le bien dans quel courir de sauter dans les airs, et il a dit qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de miracle, il y en a eu un. Mais au lieu de rendre gloire à Dieu, pour garder leur prestige, pour ne pas avouer qu'ils ont tort, ne pas avouer qu'ils ont tort d'avoir tué le Messie, ils vont les menacer, puis ils disent, on ne veut plus que vous parliez au nom de Jésus. On ne veut plus que vous fassiez ça. On vous le défend. Et le texte qui a été souvent utilisé pour encourager les chrétiens à évangéliser, il leur fait une nouvelle menace, et au verset 20, « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » On va lire au verset 19. « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Dieu nous a demandé de répandre, d'être des témoins de son Fils. Vous nous dites de ne pas le faire. On n'est pas capable de ne pas parler. Vous remarquez, c'est « nous ne pouvons pas ne pas parler ». Bon, il y a deux façons de le voir, je pense. Un, on ne peut pas parce qu'il faut obéir. On ne peut pas parce que l'Esprit qui est en nous nous pousse. J'aime mieux la deuxième. Ce n'est pas une obligation de parler du Seigneur. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur de nous. La puissance que Dieu a mis en nous nous pousse à parler du Seigneur. J'ai déjà dit une fois, c'est plus dur à un chrétien de ne pas parler que de parler. Parce qu'il y a quelque chose en nous que Dieu a mis là pour nous pousser à parler. Vous avez dit, mais François, moi, il me semble que j'ai de la misère à parler. Moi, je te dirais peut-être que tu veux parler dans des occasions qui ne sont pas favorables, dans des situations qui ne te conviennent pas. Mais je te poserai la question. Si quelqu'un te le poserait la question, par quel pouvoir, qu'est-ce qui t'a changé ta vie, François? Qu'est-ce qui a changé ta vie, Paul, Arthur, Guy? Qu'est-ce qui a changé ta vie? Allez-vous dire, ah, je suis trop gêné, je ne te le dis pas? Vous allez dire, ben là, je vais te le dire. Vous allez commencer à parler. Mais souvent, on ne parle pas ou on a peur de parler parce que les gens qui sont devant nous sont en colère, sont rebelles, les situations ne conviennent pas. Mais on pense qu'on doit parler pareil. Non. Ici, la question a été posée. Et moi, ça m'a déjà été demandé, ça. François, on ne veut plus que tu parles de Jésus. J'ai dit, je peux pas. Vous m'excusez, je peux pas. J'ai dit, je t'ai pas menacé de mort, là. Je t'ai pas menacé d'aller en prison. Mais j'ai dit, je peux pas l'empêcher de m'en parler. Je peux pas. C'est plus fort que moi. Parce que la puissance qui est en moi est plus forte que moi. Faites attention de ne pas vous sentir coupable parce que vous parlez pas tout le temps du Seigneur partout. Le Seigneur a des moments et des occasions et des situations pour chacun de nous bien précises. Et quand l'Esprit va vouloir vous utiliser, vous allez avoir, vous allez parler. Vous allez parler. On va revenir là-dessus en s'en allant. Donc, c'est ce que nous voyons ce matin. Elle donne encore un témoignage de la résurrection de Jésus. Ils disent que Jésus est la pierre angulaire maintenant, qui peut sauver les gens. Et que Dieu a démontré qu'il était le Messie en le ressuscitant, et Jésus a démontré qu'il était ressuscité en faisant un miracle. Et rappelez-vous, la puissance qui est en vous est plus forte que vous. Si elle est plus forte que vous, pourquoi pense-t-on qu'on peut l'arrêter? Notre Père du ciel, merci, merci encore une fois de nous donner la preuve que Jésus est bien ressuscité. De nous donner la preuve que c'était bien lui que tu avais envoyé. Notre foi n'est pas basée sur des entendre dire seulement, elle est basée sur des faits. La résurrection de cet homme, la guérison de cet homme, c'est un fait historique qui pouvait être vérifié par Luc ou par les apôtres ou par Théophile. Les gens pouvaient vérifier ce fait-là. Et même les inconvertis sont obligés de dire qu'il y a eu un miracle. Et la raison, c'est que Jésus est ressuscité pour le faire. Seigneur, donne-nous de répandre cette bonne nouvelle, non pas par la chair, mais par l'Esprit que tu as mis en nous. Parce que lui veut te glorifier. Amen.